68e leçon. Le corps humain. Le corps de l'homme et de la femme est composé de trois parties. La tête, le tronc et les membres. La tête est d'habitude couverte de cheveux, sinon on est chauve. Les yeux, les sourcils, le nez, la bouche et le menton forment le visage beau ou laid. Entre la tête et le tronc, il y a le cou. Le tronc porte généralement deux bras et deux jambes. Il y a d'autres usages pour ces mots que nous venons de voir. Par exemple, on parle d'un tronc d'arbre ou des membres d'un gouvernement. La Bible nous apprend « œil pour œil, dent pour dent ». Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours faire la tête. Exercice. Il n'a pas envie d'y aller. Regardez sa tête. D'habitude, je bois du café le matin. J'apprends ma leçon tous les soirs. Il n'a pas l'habitude de ce nouvel ordinateur. Elle est grande, belle et elle a des cheveux blonds.